Audiomatique. Cette transmission 058 d'Audiomatique, animée par les électronistes, s'amorçait avec le projet de Protagonist mené par le Suédois Magnus Sundström, de qui nous entendions la pièce The Puritan, tirée de l'album À rebours, paru en 1998. Les électronistes sont des entités qui perçoivent l'écoute de la musique électronique comme pouvant être ultimement une jouissance auditive et spirituelle, faite de préliminaires synthétiques, de pulsations rythmiques, de mouvements séquentiels et de mélodies autant accrocheuses que saccadées. Nous avons la conviction profonde que l'écoute de la musique électronique est une expérience transcendante qu'il faut vivre à répétition dans divers lieux, par diverses ambiances et à travers divers états d'esprit. La musique électronique se savoure de plusieurs façons, dans une cadence lente ou rapide, dans un abandon de longue ou de courte durée. Et lorsque la musique électronique coule à l'intérieur des oreilles comme le liquide corporel qui lubrifie les organes, alors l'expérience ne peut que laisser une empreinte de bien-être et de plénitude dans l'esprit de celui qui se consume avec elle. Cet orgasme auditif en devenir, c'est la formation The Orb qui pourra nous le faire vivre à l'instant avec sa pièce Moon Building. Il n'en tient qu'à vous. la formation britannique The Orb se faisait entendre à travers la seule pièce qui composait cette séquence musicale. Pièce évolutive, changeante, mais tout de même gardant une cohérence. Donc, les pionniers du genre musical qu'on appelle le Deep House ou Ambient House nous offraient la pièce titre de leur plus récent album intitulé Moon Building 2703 AD, paru cette année. Audiomatique se poursuit cette fois avec l'artiste français et québécois d'adoption, Franck Devers. Quand t'as le teint livide, moi j'ai la mine au tort, la salée. Quand tu déjeunes au Ritz, moi je dinosaure, la salée. Si j'ai perdu mes palmes au Sundance Festival, laisse couler. Je balance l'eau du lac avec le Saint Graal. Laisse l'Excalibur aller. Laisse aller. Et si de ton prénom j'inverse les phonèmes, laisse sonner. Si je me brosse les dents à en perdre la laine, laisse briller. Je suis pas cynique que ça, un peu salaud peut-être. she is in charge. I'm on top. Thank you. 89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Avant cet intermède publicitaire, nous avions droit à Audiomatic, au duo français Scratch Massive et la chanson Waiting for a Sign, sur laquelle on peut entendre l'artiste multidisciplinaire Kudlam. Cette pièce est parue sur l'album Nuit de rêve de Scratch Massive. Précédemment, il s'agissait du duo danois Wrangle Clods et deux chansons, soit la chanson On Top, suivie de la chanson In Charge, et en début de bloc, l'artiste français Franck Devers, qui habite maintenant Montréal et qui est un des proches collaborateurs d'Ariane Moffat, nous présentait la chanson Laisse aller de son album Mes Semblables. À Audiomatic, on écoute maintenant le groupe norvégien d'electronic body music Cant Kino avec sa pièce What's Your Porn? Pornography or porn is the depiction of explicit sexual subject matter for the purpose of sexually exciting the viewer. What is your pornography? What is your pornography? Quelle est votre pornographie? Every second, 372 internet users are typing adult search terms into search engines. le duo Ad Key, qui se prend, qui s'écrit AD deux points Key, que K-E-Y. Donc Ad Key concluait la séquence musicale sur un son mélangeant bien l'electronic body music et le punk avec la pièce Seal and Strip de son premier album intitulé Thema Nummer 1, sorti en 2008. Dans le même registre du punk et de l'IBM, on entendait auparavant la formation Deselection avec sa pièce Muskelberg. Celle-ci paraît sur l'album homonyme, qui est aussi le seul de Deselection. Et en début de séquence, c'était Kent Kino qui nous offrait sa composition What's Your Porn, exclusive à la compilation thématique Hymns of Sex. Nous en sommes déjà à la dernière pièce de l'émission, qui sera l'œuvre du projet américain Elephant and Castle, mené par David Reap. La pièce s'intitule Altered Scones et est tirée de l'album Transitions. C'est ainsi que nous mettrons un terme à la transmission 058 de l'émission Audiomatique. Mais n'ayez crainte, les électronistes seront de retour au poste mercredi prochain dès 17h pour vous proposer une autre heure de jouissance auditive grâce à la musique électronique. D'ici là, vous pouvez revivre l'expérience autant que vous le désirez en réécoutant nos anciennes transmissions, toutes disponibles en différé sur notre profil facebook.com/audiomatique-cfou. Les électronistes qui vous remercient d'avoir considéré leurs suggestions musicales et qui vous convient à partager les vôtres par l'entremise de l'adresse courriel audiomatique-cfou@gmail.com. Notre dernière offrande est comme prévu la pièce Altered Scones du projet américain Elephant and Castle. Bonne semaine et bonne découverte musicale.